désole dans la merde au bloc, dans des îles en Afrique, la France dans des villes. V'là comment ça dévale, ça débat des balles, c'est débile, ça se dévoile pour des bips. C'est mal femme pour plus de billes. KPH sur le HF, voulant la montée du bas. La fraternité en manque de bas, plus de gars en manque de bif. De go en manque de doigts, dans du béton en manque de jeans. Pour la police de gros totem, bienvenue au halal poulet bien dodu. De plus en plus de tendu, de coups tordus, de tondus. Moins de pendu, de corps sur le sol étendu. De jeunes dans le hall étourdis, pensifs, fumant des spiffs, loin d'avoir tout dit. Trop de tes foudis, de du, de on dit. V'là comment on vit, ce qu'on fait dans notre voie. Nous sommes tous nés pour y passer. Halal doit être notre passage, dans la mer, dans le passage. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser. En ce moment, on assiste à trop de décès. Nos mamans dormir la nuit, elles essaient. Elles pensent à tous ces morts, elles pensent aux blessés. Faut savoir avancer dans le vide qu'on nous a laissé. Freddy K, on pose sur le son que tu nous as laissé. Oxygène, musique, on ne pourra jamais te remplacer. J'ai mis la voix des messes en frisson, il est passé. Tu disais, YSMS, ça va tout forcer. Dans notre cœur, au premier rang, tu es placé. Avec tout le quai de la gare et notre passé. Sur les lieux de nos victimes, ils veulent nous chasser. On est là, on reste, quitte à se faire tabasser. Est-ce qui s'est passé dans nos têtes sera jamais classé. Et tous ces morts sont des bons, il faut que vous le sachiez. On ne peut pas fuir la mort, pas possible de se cacher. Faut le prendre en bien, c'est inutile de se fâcher. Ce qui passe, c'est chacun son tour, ça on le sait. La vie est dure, mais ça vaut le détour, faut avancer. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser. Faut pas se taper pour des sous. On va tous partir un jour. On va tous partir, Inch'Allah. Faut pas qu'on se bourre. Car tout autour, les vautours attendent notre tour. C'est pour toute ma famille, boulevard Auriol, QDG, quai de la gare. Toutes les familles qui nous ont quitté ces dernières années, qu'on connaît ou qu'on connaît pas. À Diboli, Dakar, Bamako, Abidjan, dans toutes les banlieues. À Mamadou de Rouey, 78 LRM, dans le 9-4, Kremlin, Vitry. Dans le 9-1, 9-3, Clichy-Montfermeil, affilié le Ben. En Algérie, au Maroc, et toutes nos familles au States, en Chine, à la Mecque, et tous qui sont morts de faim, de froid, dans l'eau et dans le feu. Il y en a qui sont partis tranquilles, et il y en a plein qui en ont bavé. La liste est longue et vous le savez. C'est pour toi, Freddy K. Maximum de phase. Ok. La famille. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser. Pardon à tous ceux avec qui j'ai été déplacé. Mort beaucoup se font vite fait remplacer. La vie peut être courte pour ne faire que de s'agacer. Pensez qu'à amasser.